Lâche un big up à tous mes rats, jamais ils ne cesseront. Ni de rôle, ni de cinéma, j'arrive changer le scénario. Ici on est tolérant à représenter les rôles. Appelle-nous à ton festival, on te fera mieux qu'Ario. La bonne rime est alliée, de Casa jusqu'en Talia. Big up à toute l'Espagne, en passant par les Baléares. J'm'en bats les reins, j'ai pas de masque, peur de faire du mal. Peur de faire du mal, peur de faire du mal. Beaucoup partent pour 100 balles, à la guerre du pourcentage. Il est mort, il est plus là, juste pour l'amour de son cash. J'ai dû froisser 10 000 pages, j'ai dû refaire des tympans. Mais bon, quand on aime bien frère, soi-disant on ne compte pas. Oublie les problèmes au calme, d'après le son qu'on propage. J'ai fait mon chemin, c'est pas grave, je te laisse porter mes sandales. Donc on y met la totale, en faisant gaffe aux faux pas. Y'a trop de monde derrière, qui ne connaissent pas. Malgré les douleurs et les blessures, on se relève gars. On a sûrement vécu des choses qu'ils ne connaissent pas. Je veux causer à la terre entière. Oui c'est ça le schéma. Tartu a créé le monde, le reste m'a dit China. Malgré les douleurs et les blessures on se relève gars. On a sûrement vécu des choses qu'ils ne connaissent pas. Je veux causer à la terre entière. Oui c'est ça le schéma. Envoie un beat, que l'on s'explique. Tu sais que l'encre m'appelle. Envenimer le pic, mec, manière à que ce soit mortel. J'aime pas le changement, évidemment, vu que ça donne une sale recette. On goûte à la vie chaque jour, j'partirai, mec, en Brassens. On t'en la joue, perds les siens, t'as le temps de prendre ta gifle. On félicite nos petits, dès que les projets se finalisent. C'est normal, on en remet, on voit du son car j'dors pas. Croquer la vie à plein dents, j'veux bien, mais ça mord pas. Y'a rien de grave, big up, heureusement que l'on gratte. Qu'on pensera à Sean Price, Miguel ou à Gangstar. On minimise à chaque fois, même si le respect s'oublie. Je voudrais laisser une belle trace juste avant d'être enseveli. On en remet, c'est grâce aux erreurs qu'on se relie. Qu'on apprend à tourner la page même si on a même plus de livres. Oui, laissez-nous respirer, laissez-nous sans pression. Je passe au travers le filet, un truc comme demi-portion. Malgré les douleurs et les blessures, on se relève, gars. On a sûrement vécu des choses qu'ils ne connaissent pas. Je veux causer à la terre entière, oui c'est ça le schéma. Car Dieu a créé le monde, le reste m'a dit China. Malgré les douleurs et les blessures, on se relève, gars. On a sûrement vécu des choses qu'ils ne connaissent pas. Je veux causer à la terre entière. Oui c'est ça le schéma. Depuis le temps que je rappe. Depuis le temps que je rappe. La rumeur. Depuis le temps que je rappe. À la scred. Depuis le temps que je rappe. Roca. Depuis le temps que je rappe. Assassin. Depuis le temps que je rappe. Les sages pauvres. Depuis le temps que je rappe. C'est ça. Malgré les douleurs et les blessures, on se relève, gars. On a sûrement vécu des choses qu'ils ne connaissent pas. Je veux causer à la terre entière, oui, c'est ça le schéma. Car Dieu a créé le monde, le reste m'a dit China. Malgré les douleurs et les blessures, on se relève, gars. On a sûrement vécu des choses qu'ils ne connaissent pas. Je veux causer à la terre entière, oui, c'est ça le schéma. Car Dieu, c'est ça le schéma. C'est ça le schéma. Malgré les douleurs et les blessures, on se relève, gars.